soir, même dans mon lit douillet, je sens monter la flemme. Un coup de pied dès les repas. Ma douce, ma douce, ma douce femme, me voilà en éclate dans ma voiture. Bien plus qu'un fan, direction mon petit travail, mon petit travail fidèle. Avec lui des bougies, on en a fumé des chandelles. Quand au loin j'aperçois un warning qui m'indique que je dois me mettre en file. En position, où est-il? Vous savez tout ce que c'est. Jeudi c'est pour dire le vendredi, y'a rien à dire, y'a que le week-end qui me fait tenir. Sauf quand je me tape des heures sup entières à tenir. C'est pareil tous les jours, où j'en peux plus. Et c'est pareil le lundi, et c'est pareil le mardi. Quand pire le mercredi, le jeudi c'est pour dire le vendredi, y'a rien à dire, y'a que le week-end qui me fait tenir. Sauf quand je me tape des heures sup entières à tenir. Petit boulot de pourquoi j'ai pas bossé à l'école? Yeah, yeah. À l'école j'étais déjà mauvais. C'est vous dire toutes les heures de colle. Wow. Et maintenant je m'en mords les doigts. J'aimerais pas que mon fils fasse comme moi. Alors je lui répète tous les soirs qu'il a intérêt à faire ses doigts. Car c'est la chaleur des petits bouchons parisiens qui vous stresse et vous m'amène vers l'engueulade du patron. Mais oui qu'on aime cette chaleur des petits bouchons. C'est que du bonheur. Mais oui, qu'on aime bien cette chaleur des petits bouchons parisiens. À Santa Cigulier, klaxonner comme les cocons. Wow.